la peine de regarder derrière moi. La route s'en va droit, c'est le bonheur qui m'entraîne. Je déguste avec ivresse chaque nouveau jour qui m'est. We'll be right back. Thank you. J'aime bien ce riff. Hey, hey!